إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم. Donc au dernier cours, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans la lecture du livre qui s'intitule المعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة écrit par le Cheikh Dr. Abdussalam ibn Burgess al-Abd al-Karim, c'est-à-dire le comportement à adopter envers les dirigeants selon la lumière du livre et de la Sunna, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, écrit par le docteur Cheikh Abdussalam ibn Burgess al-Abd al-Karim rahimahullah. Donc, on avait commencé à expliquer dans l'introduction certaines illustrations qui indiquent l'importance de ce sujet dans l'islam. Et on a parlé dans la première exemple de cette illustration-là, chez les salafs. Donc, la première illustration qui a été mentionnée parmi les illustrations qui montrent que nos salafs, salaf al-salih, donnait une grande importance à cette question et à ce sujet, c'est at-tahdhir min al-khuruj. C'est ça ce qu'on a lu au dernier cours, l'avertissement des salafs contre le fait de se révolter et de se rebeller et de sortir contre les dirigeants. Donc ça c'était le premier point qu'on a lu au dernier cours, et on a lu aussi la deuxième illustration, c'est-à-dire at-ta'kid 'ala ad-du'a ilahu. C'est-à-dire le fait de la confirmation du fait qu'on doit faire des invocations pour le dirigeant et non pas contre les dirigeants, contrairement à ce que certains parmi les hizbiyin et les gens de bid'ah se permettent de faire aujourd'hui, hein, puisqu'on sait qu'ils insultent les dirigeants, ils font des du'as contre eux sur le mimbar ou dans les assemblées et des choses de ce genre. Et donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qui oppose et contredit la voix des salafs. On avait lu à ce sujet-là la parole de l'imam al-Barbahari, hein, qui expliquait, il disait إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فعلم أنه صاحب هوى. Si tu vois quelqu'un qui invoque et qui fait des du'as contre le dirigeant, sache que c'est quelqu'un qui fait partie des gens de la passion, donc quelqu'un qui suit la bid'a, il y en a quelqu'un qui fait partie des gens de bid'a, parce que le mot hawa c'est le singulier pour al-ahwa, ashab al-ahwa ou ahlul ahwa, et c'est pour désigner les gens de bid'a aussi, parce qu'on sait que la passion c'est une des causes de la bid'a, c'est une des raisons pour lesquelles les gens font des bid'a, c'est parce qu'ils font, hein, ils suivent leur passion. Et il dit ensuite, si tu vois, إذا رأيت الرجل أو إذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. Donc il dit, si tu entends un homme qui invoque en faveur du dirigeant et qui demande pour lui du bien, sache que c'est quelqu'un qui est sur la sunna, إن شاء الله. Hein? Et donc ensuite il a parlé de la parole de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad, qui mentionne ce fait-là et qui confirme qu'il faut faire des du'as pour le dirigeant et demander à Allah le bien pour lui, même s'il est injuste, même s'il est tyrannique, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala du bien pour lui et faire des du'as en sa faveur pour que Allah le rende meilleur, hein? Et la deuxième, troisième illustration de cette question, c'est le fait que les salafs cherchaient des excuses pour le dirigeant. Hein, il comprenait la lourde responsabilité qui pesait sur ses épaules et la difficulté de la tâche qu'il avait. Alors, à cause de ça, il cherchait pour lui des excuses. Hein, et comme j'expliquais, yani, beaucoup de gens parmi les koufars même, ils n'ont pas de respect pour leurs dirigeants. Hein, ils se moquent d'eux, ils font des blagues sur eux, ils font des caricatures de leur image dans les journaux, dans les médias. Ils les ridiculisent, hein, ils les insultent même parfois, et ils pensent que tout ça c'est une expression de leur liberté, de la liberté d'expression. Et à l'époque, c'était comme ça aussi, même à l'époque de la monarchie, quand en Europe il y avait les rois et les reines et tout ça, eh bien, ils faisaient parfois ils se moquaient de leurs dirigeants, de leur roi, de leur monarque. Et surtout ceux qui appelaient avec leurs idéologies de liberté, de démocratie, toutes les autres idéologies qui sont apparues par la suite, et qui ont été à la source de qu'est-ce qu'on a appelé par la suite les révolutions. La révolution française, la révolution américaine, la révolution anglaise, la révolution bolchevique, la révolution toutes les autres révolutions qui se sont produites dans les différents pays européens. Tout ça, c'était à l'origine de ces idées-là. C'est d'appeler les gens à sortir ou à se révolter contre leurs dirigeants. Mais ça commence pas tout de suite comme ça. Les gens commencent pas juste à se révolter du jour au lendemain. Ça commence par, justement, le fait de critiquer le dirigeant, parler contre lui, répandre sur lui des mensonges, des rumeurs, répandre des péchés qu'il fait dans la population. Faire des caricatures de lui, commencer à se moquer de lui, commencer à le ridiculiser, commencer à l'insulter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que, par la suite, les gens, la rogne des gens commence à augmenter de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils décident, par la suite, ça y est. Hein, on décide que c'est le temps, on veut plus de ce roi, on veut plus de ce dirigeant, donc on appelle les gens à se révolter. Donc ça, c'est une voie, une méthodologie qui a été employée par les koufars dans leur pays, comme les démocrates, les laïcs, et les socialistes, les communistes, les anarchistes et tous ceux de ces tendances-là, et c'est ce qu'ils ont fait dans leur pays. Et ça a même amené, même en France, à même qu'on a tué le roi et la reine et tous les nobles. Hein, on les a passés à la guillotine, hein, on les a tous assassinés. Et qu'est-ce qui est vraiment incroyable aussi par la suite, c'est que tous ceux qui ont été à l'origine de cette révolution-là, une fois par la suite, ont tous eux aussi été guillotinés. C'est-à-dire tous ceux qui ont fait cette révolution-là, à la base, eux-mêmes, par la suite, ont passé à la guillotine. Donc il y a eu une contre-révolution. Puis après, bon, finalement, les choses se sont stabilisées, mais c'est pour dire que lorsque on ouvre cette porte, ça finit plus par la suite. Hein? Ça finit plus. Et ça a pris beaucoup de temps avant que les choses se stabilisent, jusqu'à ce que Napoléon vienne par la suite. Puis après, Napoléon s'est déclaré empereur. Hein? Il est devenu empereur, puis il a commencé à faire la guerre contre plein d'autres pays européens. Puis, c'est pour dire que ça, c'est des exemples comment on revient en arrière encore une fois. On s'était soi-disant, on a voulu s'échapper de la monarchie, et maintenant on revient à un empire. Parce que les gens, ils ont dit avant c'était un roi, donc maintenant c'est un empereur, c'est pas la même chose. C'était, je pense, Louis XVI, si je ne me trompe pas. À l'époque de la Révolution, c'était Louis XVI. Et c'est ça, donc. Allah al-Musta'an, c'est pour dire qu'il y a eu d'autres révolutions aussi par la suite. Il y a eu la révolution cubaine, la révolution en Russie, partout. Ils ont essayé de se débarrasser de leur roi et de leur monarque. Il y a des musulmans dans les pays musulmans qui, eux aussi, sont influencés par ces idéologies-là et qui veulent imiter ces koufars et suivre leurs idéologies et leurs voies. Donc, ils appellent eux aussi à ces choses-là. Donc ils ont appelé à se révolter contre les rois et les dirigeants qui étaient là, comme si l'histoire des pays musulmans était comparable à celle de l'Europe, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les deux, mais malgré tout, il y en a certains, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé, qu'il y a des gens qui vont essayer d'imiter les peuples qui nous ont précédés, les juifs et les chrétiens, pas à pas. Même si que l'un d'entre eux rentre dans un trou de lézard, eh bien, les musulmans vont essayer de les suivre dedans. Et donc, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Hein, on voit ces gens-là qui essaient de les imiter aveuglément. Et beaucoup d'entre les personnalités modernes dans les pays arabes, dans les États arabes contemporains, là, qui ont fait des coups d'État et des révoltes contre leurs dirigeants pour prendre le pouvoir, comme en Égypte, en Irak et en Libye et ailleurs. Tous ces gens-là, ils ont fait ça en se basant sur les idéologies qui viennent des koufars de l'Occident. Et soit sur le socialisme, soit sur la démocratie, soit sur la laïcité ou ces principes de koufre. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Et il y a ceux qui suivent ces tendances-là et il y a ceux qui sont influencés par les égarements de la secte des Khawarij. Il y en a qui réunissent entre les deux. Hein, les Khawarij, les Mu'tazila et les Shia, Rafida, ils font un amalgame et un mélange entre les idéologies des Koufars et les idéologies de leur secte, de leurs égarements, et ils prônent donc ces idées de révolte. Et parmi eux, on a la secte des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun. Et de la secte des frères musulmans, et également il y a eu Hizb al-Tahrir aussi, Hizb al-Tahrir, qui suivent la tendance des Mu'tazila, et aussi les groupes qui ont découlé des Ikhwan, comme Jama'atul Jihad, Al-Hijra wa Al-Takfir, également aussi Al-Qaïda récemment, Daesh, le FIS en Algérie, le GIA, et d'autres tendances et d'autres groupes un peu partout dans les différents pays musulmans et arabes et non arabes. Donc on a vu ces groupes de ces tendances-là apparaître. Et c'est ça ce qui se passe actuellement. C'est ça toute la fitna qu'on vit. C'est tout à cause de ces gens-là. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il explique maintenant pour nous montrer comment nos salafs, eux, ont agi envers les dirigeants pour que justement on puisse comprendre comment réfuter ces groupes de takfir et ces groupes de khawarij quand ils, eux, essaient de nous appeler à sortir de la compréhension de nos salafs par rapport à ces questions-là. Donc le cheikh, il dit, en citant l'imam Tortouchi dans son livre Siraj al-Muluk, il dit « Kana al-ulama yaqulun, idha istaqamat lakum umur al-sultan fa'akthiru hamdallahi ta'ala wa shukrahu. وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وما تستحقونه بآثامكم. Donc il dit, les ulama, ils disaient, c'est-à-dire ceux qui étaient avant nous, ils disaient, lorsque les affaires de votre dirigeant sont droites et sont correctes, alors glorifiez beaucoup Allah et remerciez-le beaucoup. Mais si vous voyez de sa part quelque chose que vous n'aimez pas, alors dans ce cas-là, dirigez le blâme de ça à vos péchés et à qu'est-ce que vous méritez à cause de vos désobéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est parfois une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque le dirigeant qui est sur nous est injuste ou qu'il nous fait du mal ou qu'il nous fait des choses qu'on n'aime pas, c'est à cause de nous-mêmes, nos propres péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous punit par ce dirigeant-là. Et c'est comme ça que les salafs voyaient les choses. Ils ne regardaient pas le blâme toujours sur quelqu'un d'autre. Comme aujourd'hui, les gens, ils essaient toujours de pointer du doigt le dirigeant. Et ils pensent que tous les malheurs qui les touchent et tous les malheurs qui leur arrivent viennent uniquement de l'action d'une seule personne, c'est-à-dire leur dirigeant. Et que eux, ils sont totalement et absolument innocents de quoi que ce soit qui leur arrive comme injustice. C'est seulement le dirigeant le coupable. Et c'est lui le seul criminel et le seul fautif. Hein? Eux, non, ils ont les mains blanches. Hein? Donc, ils ne font pas d'injustice à personne, ils ne mentent pas, ils ne volent pas, ils ne font pas de réchois, hein? Ils ne trichent pas, ils respectent toutes les règles, ils obéissent au doigt et à l'œil, mais c'est le dirigeant qui n'est pas bon. Hein? Et tout ce qui est comme injustice dans la société, c'est juste à cause du dirigeant. Et tout le monde sait très bien, et même ceux qui critiquent les dirigeants, savent très bien que ce n'est pas vrai. Et qu'eux-mêmes, ils savent en eux-mêmes qu'ils ne sont pas justes. Hein? Donc, comment ils pouvaient par la suite penser que le mal qui leur arrive était juste à cause d'un seul homme? Et que s'ils enlèvent de cette place cet homme-là qu'ils n'aiment pas ou qu'ils pensent qu'il est la source de leur malheur, que s'ils l'enlèvent pour le remplacer par quelqu'un d'autre, tout d'un coup, du jour au lendemain, tout ce qu'ils n'aiment pas va se remplacer par du bien et que tout d'un coup, leur vie va s'améliorer, qu'ils vont être dans un monde parfait. Comme ceux qui se sont révoltés, par exemple, en Égypte, qui pensaient qu'en enlevant du pouvoir celui qui était là et que remplacer cet homme-là par un autre, tout de suite, le pays va devenir meilleur. Le président, il n'est pas tout seul. Hein, même si tu vois qu'il est au pouvoir, que c'est lui le président, mais un président, tout seul, il ne peut rien faire. Il a besoin des ministres, il a besoin des conseillers, il a besoin des gens qui vont l'aider, il a besoin des soldats, il a besoin des capitaines, des soldats, des maires, il a besoin de toutes sortes de monde qui vont l'aider et le supporter et l'encourager. Il a besoin de, même des gens pour le conseiller. Mais s'il était tout seul, il n'a pas de pouvoir. S'il est tout seul, il ne peut rien faire. Hein? Sans son armée, sans la police, sans les ministres, sans les conseillers, sans les députés, sans tous ceux qui sont là autour, les maires, pour y aller justement mettre ses ordres en application, mettre ses commandements en application et pour faire respecter sa parole et organiser la vie des gens, sans ça, tout seul, il ne peut rien faire. Et donc, ça veut dire que d'un certain côté aussi, par la suite, chacun de la population a une responsabilité dans la justice, dans disons, la justice et le bien qui est dans la société. Si le peuple lui-même est injuste, comment ils peuvent espérer par la suite que le dirigeant lui-même va être juste? Donc souvent, Allah subhanahu wa ta'ala punit les peuples en mettant sur eux quelqu'un qui est comme eux, pour leur faire goûter une partie de leur injustice. Et c'est comme ça que les salafs disaient souvent, kama takunu yuwalla alaykum. De la même façon que vous êtes, c'est ainsi que Allah met sur vous des gens comme ça au pouvoir pour vous punir à cause de vos péchés. Et il y a un verset dans le Coran dans ce sens-là aussi. Et il dit ensuite, le cheikh, il dit wa aqimu 'udra sultan l'intichar l'umour alayhi wa kathrati ma yukabiduhu min dabti jawani bil mamlaka wa istilaf al-a'da wa irda al-awliya wa qillat al-nasih wa kathrati al-tadlis wa al-tama. Intaha kalamuhu min kitab Siraj al-Muluk lit-Tirtushi. Donc il dit, et établissez l'excuse pour le dirigeant à cause, yani, de toutes les choses qui se diffusent sur lui. Le grand nombre de choses qu'il doit régler dans son royaume et le grand nombre d'ennemis qu'il a contre lui qui se réunissent et le grand nombre d'alliés qu'il doit essayer de plaire, à qui il doit essayer de plaire et de satisfaire, et le peu de conseillers honnêtes et sincères et la grande quantité des mensonges ou des faussetés, des choses qui lui sont cachées et des gens qui cherchent à obtenir leurs intérêts ou qui veulent quelque chose de lui, hein, et qui essaient de profiter de lui. Donc le dirigeant, il a tout ça à prendre en considération et tout ça à tenir compte. C'est-à-dire que le dirigeant, il a une lourde responsabilité sur ses épaules. Et on ne peut même pas imaginer, nous, comment prendre cette responsabilité-là peut être lourd, hein, sur les épaules de quelqu'un. Comme on mentionne souvent l'exemple que lorsque quelqu'un il est responsable d'une famille, il a une femme et des enfants à tenir compte et à gérer. Ça, c'est une grande responsabilité aussi. Et yani, des fois, on n'arrive même pas à faire respecter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre maison, alors qu'on a juste quelques enfants et une épouse à yani, s'occuper. Hein? C'est vrai. Donc, si c'est le cas pour une petite famille, imaginez quelqu'un qui est responsable d'un pays au complet. Hein? Donc, des fois, tu vois ces takfiriyin, hein, ces khawarij, tu vois leurs enfants, tu vois leurs femmes, et ils ne sont même pas capables de les faire respecter les règles de l'islam. Et tu vois leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs proches, leurs frères et leurs sœurs, qui sont parfois yani, perdus, égarés, hein, loin dans la pratique islamique. Et quand ils veulent leur faire appliquer ces choses, les choses de l'islam, ou leur faire comprendre la religion, ils veulent, yani, ils peuvent même pas leur faire respecter rien de ça, yani, ou même pas un minimum de ça. Si c'est juste dans ta propre famille que tu peux pas faire respecter la parole d'Allah, que tu as de la misère à te faire écouter et faire respecter dans ces choses-là, alors imagine-toi que toi tu es le dirigeant et que tu es le responsable d'un pays au complet et que c'est sur toi que pèse cette responsabilité-là et que tu es demain, c'est toi qui as sa place. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Est-ce que tu penses que tu vas faire mieux que lui? Ou bien peut-être tu vas faire encore pire que lui? Hein? Donc c'est facile de juger quelqu'un, hein? Ouais, c'est ça. Exactement. Ça, c'est un bon exemple. Tu vois? Comme s'il y en a des gens, ils veulent faire imposer à tout le monde, mais eux-mêmes, ils ne sont pas capables de le faire imposer. Mais, bien entendu, ce n'est pas une excuse. Mais en même temps, c'est juste pour faire réfléchir, tu vois. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. Est-ce que vous ordonnez aux gens le bien, mais vous vous oubliez vous-même, alors que vous récitez le livre? Donc c'est ça, tu vois, il a dit, impose-le à ta fille, si ta fille va le mettre, après nous on va l'imposer aux autres. Mais, yani, Allah musta'an, il n'est même pas capable de le faire. Donc s'il n'est pas capable lui de le faire, alors comment il va être capable de le faire pour l'imposer à toutes les femmes du pays? Donc ça c'était un exemple, même si ce n'est pas un exemple valable, dans le sens que ce n'est pas une excuse pour ne pas l'imposer, mais c'est pour dire que quand même, c'est quelque chose qui est une chose qui est lourde. Et qui n'est pas facile à faire. Après, il dit وَلَوْ ذَهَبْنَا نَسْتَقْصِي مِثْلَ هَذِهِ الصُّوَرَ الرَّائِعَةِ عَنْ سَلَفِنَا الصَّالِحِ لَطَالَ الْمَقَامُ وَاتَّسَعَتْ دَائِرَةُ الْكَلَامِ. Donc, il dit si on allait et on allait essayer d'énumérer et de rassembler toutes les différentes illustrations, les belles paroles, les belles illustrations que nos salafs salih nous ont laissées par rapport à ces questions-là et ce sujet-là, il dit on aurait eu, hein, beaucoup de choses à dire et on n'aurait même pas pu yani, ramasser tout tellement il y en a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais il dit wa alaykum salam wa rahmatullah, il dit walakin fima dhakarna tanbihun ala al-maqsud wa idahun lil-manshud faman ta'ammala fihi wa ansafa bana lahu ghalatu man ta'assafa wa ajhafa wa lam yara liwulati al-amri haqqan ولم يرع لهم قدرا فجردهم عن الحق الذي فرضه الشارع لهم اتباعا للهوى وتأثرا بمذاهب أهل الردى. Donc le cheikh il dit celui qu'on a il dit dans ce qu'on a mentionné il y a une note importante, hein, à qu'est-ce qu'on veut expliquer et qu'on veut clarifier pour celui qui observe et qui analyse avec honnêteté par rapport à yani, qu'est-ce qu'on a clarifié, il va voir clairement l'erreur de celui qui ne voit pas le droit du dirigeant et qui ne leur donne pas le respect qui leur revient, hein, et qui essaie de leur extriper leur droit, hein, que Allah leur a donné en suivant la passion ou en étant influencé par les différentes voies des gens de l'égarement, les gens du mal. Donc ça c'est clair. On voit que dans l'islam, on est ordonné de donner aux dirigeants son droit et son respect. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, même si c'est un esclave éthiopien, comme si sa tête est un raisin, hein, qu'on lui a coupé les extrémités, hein, vous devez quand même l'écouter et l'obéir. فاسمعوا واطيعوا. Donc on voit que le respect et l'obéissance et l'écoute, c'est une obligation pour nous, peu importe son apparence, son parce que c'est l'ordre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit wa mimma yajduru al-'ilm bihi أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت وحاجة الأمة كلما ازدادت حاجة الأمة إليه سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدنيا والدين. Donc il dit qu'est-ce qui est important de connaître par rapport à ça, c'est de savoir les règles des salaf et de l'expliquer, de faire savoir ça aux gens, plus que la Ummah en a besoin, plus qu'on doit l'expliquer. C'est ça que le cheikh il explique, il veut dire ici. Et la raison de ça, c'est qu'on le fait pour fermer la porte à la tentation, à la fitna, aux problèmes, aux tribulations. Et également pour fermer la porte aux révoltes et aux sorties qui sont faites contre les dirigeants, qui sont à la base de la du désordre et de la corruption dans la dunya, dans la vie d'ici-bas, dans les affaires de la vie et dans les affaires de la religion. وَلَقَدْ تَجَسَّدَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي مَا كَتَبَهُ أَئِمَّةُ الدَّعْوَةِ النَّجْدِيَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْبَابِ عَنْدَمَا تَصَرَّبَتْ بَعْدُ الْأَفْكَارِ الْمُنْحَرِفَةِ فِيهِ إِلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ. Il dit que les imams de la da'wa salafia dans le Najd, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab et ses élèves et ses fils qui ont propagé la da'wa après lui, ils ont eu affaire à un groupe, certains groupes qui avaient des idées déviées au sujet de ces questions-là, parmi un groupe d'entre eux qui appelait ou qui était affilié au bien et à la réforme. Donc ils ont exagéré dans certaines choses ou dévié dans certaines de ces choses-là, et les imams les ont réfutés dans ces questions-là. Il dit وَلَقَدْ أَكْثَرُوا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ تَقْرِيرِ هَذَا الْأَمْرِ فَأَفَاضُوا فِيهِ وَكَرَّرُوا بَيَانَهُ زِيَادَةً فِي الْإِيضَاحِ وَاسْتِئْصَالًا لِلشُّبَهِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكْتَفُوا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ولا تقرير فرد منهم لهذا الأمر الخطير لعلمهم بما ينتج عن الجهل به من البلاء والشر المستطير. Donc il dit que les imams, ils ont fait plusieurs rappels et ils ont confirmé cette question, et ils en ont parlé longuement et avec beaucoup de détails, et ils ont clarifié ça à maintes reprises avec plus d'explications pour éliminer et détruire complètement les choubouhat, les ambiguïtés, les doutes qui ont été ramenés à propos de cette question-là. Et puis ils ne se sont pas limités juste à une seule parole, ou bien wa alaykum salam wa rahmatullah, ou bien à une seule fois, et en y parler de ça une fois puis c'est fini. Non, c'est quelque chose, une question dangereuse, et parce qu'ils savent que cette question-là est parce qu'ils savent que ce sujet-là c'est quelque chose d'important, et que le fait de l'ignorer, ça ramène des grands malheurs et des maux qui se propagent partout, eh bien, ils ont donné à ça une grande importance, ils l'ont clarifié en détail. Et il dit le cheikh, « وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الْشَيْخِ الْإِمَامِ عَبْدُ اللَّطِيفِ بِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِبْنُ حَسَنْ آلِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهِ ورحم الله الجميع في كلام متين يكشف شيئا من الشبه الملبسة في هذا الباب ويرد على من أشاعها من الجهال. Donc le cheikh il dit que le cheikh l'imam Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan al-Sheikh, que Allah fasse miséricorde à tous ceux-là, un des descendants du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, un des grands ulama de la da'wa, il a dit une parole très forte et très solide qui dévoile qui réfute en même temps les shubuhat de ceux qui ramènent des ambiguïtés dans ce sujet-là pour confondre les gens, et il les réfute, il réfute ce que les ignorants ont propagé comme ignorance à ce sujet-là. Et il dit وَلَمْ يَدْرِ هَؤُلَاءَ الْمَفْتُونُونَ أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة لا ينزعون يدا من الطاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. Donc le cheikh il dit, Abdul Latif, il cite les paroles de l'imam Abdul Latif al-Sheikh, il dit que ces gens-là qui sont tombés dans la fitna par rapport à cette question qui a rapport avec les dirigeants et le takfir, il dit ils ne savent pas que la plupart des dirigeants de l'islam depuis l'époque de Yazid ibn Muawiyah, excepté Omar ibn Abdul Aziz, parmi les dirigeants de Bani Umayya, ainsi que ceux que Allah a voulu d'entre les gens de cette dynastie, la dynastie de Bani Umayya, on a vu se produire de leur part des choses graves, hein, des grands événements, des rébellions, du désordre dans la façon de gérer les musulmans et de diriger les musulmans. Et malgré tout ça, les imams de l'islam ont toujours été dans ce que Allah a ordonné ainsi que son messager par rapport à ces questions-là. Ils ont toujours écouté et obéi dans le bien. Et ils n'ont jamais retiré leurs mains de l'obéissance de ces dirigeants-là tant que c'était dans ce que Allah et son messager a ordonné et dans les règles et les obligations de l'islam. Et ça, c'est très connu de leur part. Et là, le cheikh, il donne des exemples de ça. Il donne les exemples en commençant ici par qu'est-ce qui est arrivé avec Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Et il dit « وَأَضْرِبُ لَكَ مَثَلًا بِالْحَجَّاجِ ibn Yusuf al-Thaqafi وَقَدْ اشْتَهَرَ أَمْرُهُ فِي الْأُمَّةِ بِالظُّلْمِ وَالْغُشْمِ والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق والحجاج ونائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تصوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. Donc il dit, je vous donne l'exemple par rapport à Al-Hajjaj ibn Yusuf, un grand tyran parmi les gens qui ont été parmi les dirigeants des musulmans, et il a fait couler beaucoup de sang. Il est connu pour son injustice et pour sa tyrannie, et comment il a exécuté et exterminé beaucoup de monde à son époque, hein, et même il a tué parmi les plus des très grands hommes de cette Ummah, comme Saïd ibn Jubayr, par exemple. Et Saïd ibn Jubayr et Ibn Zubayr, qui à l'époque avaient reçu l'allégeance et la bay'a des gens de la Mecque, de Médine, du Yémen et de l'Irak, hein, ils s'étaient réfugiés à la Mecque, dans la mosquée sacrée, et qu'est-ce qu'il a fait à la Hajjaj? Il a encerclé la Mecque à l'époque, et il s'est permis de le tuer dans ce lieu sacré là où on n'a pas le droit de tuer quelqu'un ou quoi que ce soit, et il s'est permis lui de le faire à ce moment là et il a tué Ibn Zubayr, et Abdullah Ibn Zubayr, et malgré que il avait, Abdullah ibn Zubayr, reçu l'allégeance déjà de plein d'autres, de plein de musulmans, des dirigeants de différentes régions. Donc, il l'avait accepté comme khalifa. Tandis que Al-Hajjaj, qui était l'adjoint ou le second de Abdul Malik ibn Marwan, le fils de Marwan, eh bien, lui, il n'avait reçu aucune bay'a de personne. Et le khalifa précédent ne lui avait pas donné la succession, et aucun des gens de Al-Hil ou Al-Aqd ne lui avait donné l'allégeance non plus. Donc, les gens avaient déjà commencé à donner la bay'a à Abdullah ibn Zubayr. Et lui, Abdul Malik ibn Marwan, personne ne lui avait donné le bay'a, rien. Mais Al-Hajjaj est allé pour le tuer. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? Yani, subhanallah, c'est que quand il a tué Abdullah ibn Zubayr, c'est lui qui a pris le pouvoir. Et qu'est-ce que les savants ont fait? Qu'est-ce que les musulmans ont fait? Ils lui ont donné la bay'a. Ils se sont soumis à son ordre et à son obéissance, et ils l'ont obéi dans les piliers de l'islam et dans les obligations de l'islam. Je ne peux pas te dire l'année exacte parce que je ne me rappelle pas, mais va sur Google, fais une petite recherche, tu vas voir Abdul Malik ibn Marwan, écrit Abdul Malik ibn Marwan, et puis tu vas voir en quelle année c'était. C'était pas... Oui, non, c'était à l'époque des Sahaba, même les derniers d'entre les Sahaba. Les derniers d'entre les Sahaba, ils ont connu cette époque-là. La preuve, c'est que, comme le cheikh il dit ici, وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَمَنْ أَدْرَكَ الْحَجَّاجِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْزِعُونَهُ لَا يُنَازِعُونَهُ وَلَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ طَاعَتِهِ فِيمَا يَقُومُ بِهِ الْإِسْلَامُ وَيُكَمِّلْ بِهِ الْإِيمَانُ. Donc il dit que même Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, était vivant à l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf. Il était là. Et certains d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient encore vivants, et ils n'ont pas disputé le pouvoir à Al-Hajjaj. Et ils ne se sont pas abstenus de lui obéir dans ce qui établit l'islam et dans ce qui complète la foi. Il dit وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن ومحمد بن سيرين وابراهيم التيمي واشباههم ونظرائهم من سادة الأمة. Il dit que de même que les grands parmi les élèves des sahaba qui étaient vivants à l'époque, les tabi'in comme Ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basri, Mohamed ibn Sirin, Ibrahim al-Taymi, et ceux qui leur ressemblent, et ceux qui sont dans leur degré, parmi les têtes des musulmans de l'époque, hein, parmi les grands hommes de cette umma. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادة الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. Et il dit le comportement envers les dirigeants est resté comme ça parmi les ulama de la umma, les grands hommes de cette umma et les imams de l'islam. Ils ont toujours ordonné aux musulmans d'obéir à Allah et d'obéir aux messagers et de faire le jihad dans le sentier d'Allah avec tous les dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers, comme cela est connu dans les livres des fondements de la religion et de la aqidah. Il dit وكذلك بنو العباس. بنو العباس, c'est la dynastie qui est venue après Bani Umayya. Donc il dit كذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف ولم يساعدهم احد من اهل العلم والدين وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وامرائهم ونوابهم وقتلوا ابن هبيرة امير العراق وقتلوا الخليفة مروان حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية ووضع الفرش على جثتهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع. Donc le cheikh il dit, c'est ainsi que la même chose s'est passée avec la dynastie de Bani al-Abbas, al-Abbasiyya. Ils ont pris le pouvoir sur les pays musulmans par la force et par l'épée. Et personne des hommes de science ne les a aidés. Ni personne des hommes de science et de religion ne les a aidés dans ce qu'ils ont voulu faire. Mais ils ont tué un grand nombre des gens de la dynastie de Bani Umayya. Et des dirigeants et des ministres de Bani Umayya. Ils ont tué l'amir de l'Irak, qui était Ibn Hubayra à l'époque. Ils ont tué le khalifa Marwan. Ils ont même, on a dit que As-Saffah, il a tué dans un seul jour plus que 80 des gens de Bani Umayya. Et il les a tués, les a enterrés, il a fait mettre des tapis par-dessus, là où ils étaient, leur corps, et il s'est assis sur ce tapis. Et il a demandé qu'on amène de la nourriture. Et il a commencé à manger et à boire sur leur corps. Donc tout ça, c'est des atrocités, des choses qui sont faites, qui sont graves. Si quelque chose comme ça se passe aujourd'hui dans un pays musulman, qu'est-ce que les Khawarij vont dire? Ils vont dire, ah, ça c'est un dirigeant injuste, il faut se révolter. Alors que le cheikh dit, alors que l'imam al-Awza'i, l'imam Malik ibn Anas, l'imam al-Zuhri, l'imam al-Layth ibn Sa'd, Ata ibn Abi Rabah et tous ces autres grands imams et grands savants de l'islam, ils n'ont jamais retiré la main de l'obéissance de ces dirigeants-là et de ces rois-là. Et ils n'ont participé à rien de ces révoltes-là avec ces gens-là. Donc c'est pour dire que la voie des salafs, c'est ça qu'ils ont suivi. Mais aujourd'hui, regardez qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Ça c'est un exemple, tu vois que les gens, ils ne connaissent pas la voie des salafs, ils ne connaissent pas la méthodologie des salafs. Ils sortent dans la rue, ils veulent enlever un dirigeant parce qu'il ne leur donne pas du sucre, il ne leur donne pas du chocolat, là ils se fâchent parce qu'ils n'ont pas des bonbons et du sucre et toutes les choses qu'ils veulent. Donc ils se sortent dans la rue, on veut plus toi, enlève-toi du pouvoir. Il s'en va, ils font des élections, et les élections, c'est ce qui amène le plus de désordre, parce que tu divises le peuple en deux. Ceux qui aiment l'ancien dirigeant, ils sont pas contents parce qu'ils veulent pas un nouveau. Et ceux qui aiment un autre dirigeant, eux, ils sont pas contents si l'autre reste, et ils sont contents si le nouveau rentre. Et ça divise le peuple en deux, et qui se combattent les uns les autres, qui se font la guerre les uns aux autres. Et après, qu'est-ce qui arrive? L'autre, il vient, il gagne les élections, il prend le pouvoir. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Les autres, ils ne sont pas contents. Ah, lui là, il n'est pas bon. Ça fait un an qu'il est là, il n'a pas fait qu'est-ce qu'il avait dit. Et notre situation n'est pas mieux qu'avant, et même pire. Alors nous aussi, on veut l'enlever. Alors ils sortent tous dans la rue, ils font une manifestation, l'armée rentre là-dedans, ça y est, ils l'enlèvent, ils mettent un nouveau. Et là, si ça continue, après il y a un autre qui va venir, on fait une élection, après ça ils vont dire non, lui on le veut pas, ou bien ils vont dire bon, on le garde. Les autres qui étaient là avant, qui avaient élu l'ancien, ils sont pas contents, ils veulent le faire enlever. Et ça, c'est qu'est-ce qui ramène l'instabilité dans le pouvoir, dans la politique, et qui ramène le désordre dans la société, qui divise la société musulmane, détruit la sécurité, la paix dans la société, et ramène le désordre et le chaos. Ça n'amène rien de bon. Et donc c'est pour cette raison-là que les ulamas n'adoptent pas ces voies-là. Et ils ont dit, si quelqu'un parmi les dirigeants, parmi les musulmans, parce qu'ils ont, les ulamas des salafs, ils ont expliqué, l'imam Ahmed sur le sunna, et d'autres également, l'imam al-Barbahari, et les autres imams, ils ont tous expliqué ça, que la façon comment on choisit le dirigeant dans la charia, il y a quatre façons. première façon, c'est que le dirigeant qui est là, avant, il désigne celui qui va le succéder. La deuxième façon, c'est quoi? C'est que, la première façon, c'est que les savants et les gens, il y en a importants dans la société, eux, ils vont donner bay'a à un dirigeant. Donc ça, c'est la première. Hein? Que Ahlul Hill wal Aqd donne la bay'a à quelqu'un d'entre eux. Et c'est lui qui devient dirigeant. Deuxième façon, c'est que celui qui est au pouvoir, il va donner la succession à celui qui veut être, que ce soit son successeur. Comme le premier cas, c'est l'exemple de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, les musulmans, les savants parmi les sahaba ont donné la bay'a à qui? À Abu Bakr al-Siddiq. Ensuite, Abu Bakr al-Siddiq, il a donné la succession à Omar ibn al-Khattab. Donc il a dit, après moi, c'est Omar ibn al-Khattab qui va être le khalifa. Alors quand Abu Bakr radiallahu anhu est mort, c'est Omar ibn al-Khattab qui est devenu le khalifa. Il n'y a pas eu de choix, il n'y a pas eu de désignation, il n'y a pas eu d'autres choses. C'était désigné par Abu Bakr, ça y est, c'est lui le khalifa après moi. Alors ça y est, c'est fini. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Les sahabas n'ont pas dit, bon, ben ça y est, Abu Bakr est mort, hein, radiallahu anhu, maintenant on va faire une élection ou on va faire un choix pour savoir qui va être le dirigeant. Non, ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été désigné par le précédent. Donc, maintenant qu'il a été désigné, c'est lui le khalifa, Omar ibn al-Khattab, et c'est fini. Sinon, Omar ibn al-Khattab, lui, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi 6 d'entre les sahaba, parmi les meilleurs de la Ummah. Et il a dit, vous allez choisir d'entre ces 6-là, le meilleur d'entre vous, pour être le khalifa. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Après, Uthman, c'est Ali ibn Abi Talib qui a été le khalifa, il a eu la bay'a des musulmans. Ensuite, donc, ça s'est continué comme ça. Il y a un quatrième cas que les ulama d'Ahl Sunna ont mentionné. Ils ont dit, celui qui prend le pouvoir par-dessus les autres, hein, et qui prend le dessus sur eux avec l'épée, jusqu'à ce que les gens lui donnent la bay'a et qu'il devient le dirigeant, hein, alors dans ce cas-là, c'est lui qui devient le khalifa. Même s'il a pris le pouvoir injustement ou par la force, hein, et que d'autres que lui méritaient plus le pouvoir. C'est pour ça que lorsque Hajjaj, il a tué Abdullah ibn Zubayr, et qu'il a pris il a pris le pouvoir, donc c'est Abdul Malik ibn Marwan, c'est lui qui est devenu le khalifa, alors que les autres avaient déjà donné bay'a à Abdullah ibn Zubayr, hein, mais ils ont dit, puisque lui il a pris le pouvoir par la suite, il a pris la force, si on dit non, toi tu dois pas être au pouvoir parce que tu l'as pris par la force, on va amener quelqu'un d'autre pour te remplacer, ça va faire quoi? Ça va faire plus de fitna encore. Ça va faire couler encore plus de sang des musulmans. Alors ils ont dit, pour fermer la porte à ça, on va dire, bon, toi t'as pris le pouvoir, maintenant c'est toi qui étais le plus fort, c'est toi qui as pris le pouvoir, dans ce cas-là c'est toi qui restes. Mais c'est égaré aujourd'hui parmi les gens qui suivent les idéologies des koufars, ils disent, ah mais étant donné qu'il n'a pas été élu par le peuple et choisi démocratiquement, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'être au pouvoir. Et ils veulent se baser sur les élections au lieu de se baser sur qu'est-ce que nos salafs ont suivi comme règle et comme voie qui amène vraiment un plus de stabilité et de paix dans la société sur le plan social et politique. Mais étant donné qu'ils veulent suivre aveuglément les koufars, ils veulent pas prendre ça en considération. Après il dit وَالطَّبَقَةُ الثَّانِيَةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوية وإخوانهم وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل كأحمد بن نصر ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit, et une autre génération parmi les savants après l'imam al-Awza'i et Malik et al-Zuhri, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Ismail, Muhammad ibn Idris, Ahmad ibn Nuh et Ishaq ibn Rahouya et leurs frères, parmi les imams de cette époque-là, qui ont été vivants à l'époque des Khulafa et des rois de Bani al-Abbas, qui ont été influencés par les Mu'tazila, il y avait des grandes bid'ahs qui sont rentrées dans cette époque par les Khulafa chez eux, et ils ont imposé ces bid'ahs et la négation des attributs d'Allah et le fait de dire que la parole d'Allah est créée. Ils ont imposé ça à tout le monde, ils ont invité les gens à cette idée et à cette fausse croyance, et ils ont même établi des inquisitions pour forcer les savants à dire ça et tuer tous ceux qui n'étaient pas d'accord ou les torturer. Et ils ont tué un des imams parmi les ulama comme Ahmad ibn Nasr et d'autres également. Et ils ont torturé l'imam Ahmad ibn Hanbal, et c'est pour ça qu'on l'appelle imam Ahl al-Sunnah depuis cette époque. Et on a, malgré ça, on n'a pas connu un seul d'entre ces imams qui a retiré sa main de l'obéissance des dirigeants ou qui a dit aux gens qu'il fallait se révolter contre les dirigeants à cette époque-là à cause de ça. Tandis qu'aujourd'hui, la moindre chose, n'importe quelle petite affaire, le dirigeant il nous a pas donné du travail, il nous a pas donné du chômage, des choses comme ça, ça y est, on prend l'épée, on sort, ou bien on prend les armes et on dit oui, on va se révolter contre le dirigeant. A'udhu billah. Donc le cheikh il dit fata'ammal hadha al-badi', hadha al-kalam al-badi', wanzur fihi. Ça c'était la fin de la citation là, de l'imam Abdul Latif al-Sheikh dans le livre Ad-Durar al-Saniya fi al-Ajwibat al-Najdiya, le volume 7, de la page 177 à la page 178. Il donne ça comme exemple aux gens de son époque, après la venue du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, à certains groupes qui sont apparus qui critiquaient les dirigeants des descendants de Mohammed ibn Saoud, et qui prétendait vouloir appeler au bien et ordonner le bien et interdire le mal, et qui commençait à critiquer les dirigeants de la famille de Mohammed ibn Saoud, et ben il commençait à ramener des idées des Khawarij, et les ulama de l'époque les ont réfutés et leur ont montré, en citant les exemples des khulafa du passé, pour leur dire que qu'est-ce que vous critiquez de ces dirigeants là aujourd'hui, c'est moins pire que ce que faisaient des dirigeants de l'époque des salafs. Et malgré tout, les salafs à l'époque, eux, ils n'ont pas appelé à se révolter contre les khulafa qui faisaient ces choses-là à l'époque. Donc pourquoi vous, aujourd'hui, vous appelez les musulmans à se révolter contre ces dirigeants-là aujourd'hui qui font des choses qui sont moins graves même par rapport à qu'est-ce que ceux-là faisaient. Donc c'est pour montrer que s'ils sont honnêtes et s'ils sont clairs et s'ils comprennent les choses, ils ne vont pas se révolter contre leurs dirigeants aujourd'hui. فتأمل هذا الكلام البديع وانظر فيه بعين الانصاف تجده من مشكات السلف الصالح على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة بعيدا عن الافراط والتفريط. وكلام أئمة الدعوة رحمهم الله كثير في هذا الباب. ترى طائفة منه في جزء السابع من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية. Donc il dit, méditez bien sur cette belle parole qu'on a lue de l'imam Abdul Latif, et regarde cette parole avec un œil qui est honnête et juste. Et tu vas voir que elle sort de la même lanterne que celle des salaf al-salih, de la même source, et qu'elle est en accord avec le Coran et la Sunna et les règles générales de la religion, loin de toute forme d'extrémisme et toute forme de laxisme. Il dit, et les paroles des imams de la da'wa, qu'Allah leur fasse miséricorde, et leurs paroles sont très nombreuses à ce sujet-là, et tu vois même un groupe dans, de ces paroles-là réunies dans le volume 7 du livre Ad-Durar al-Saniya fi al-Ajwabat al-Najdiya. C'est le livre dont je vous ai parlé, le recueil des écrits et des paroles des imams et des fatwa des imams du Cheikh Mohamed Abdul Wahhab et de ses élèves et de ses descendants qui ont appelé à la da'wa salafia après lui. Il dit كل هذا يؤيد ضرورة الاهتمام بهذا الأصل العقدي وترسيخه عند غلبة الجهل به وفشو الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة فيه. Donc il dit tout ça, c'est quelque chose qui vient confirmer et supporter la nécessité de donner une importance à ce fondement dans la aqida et de l'enraciner, hein, lorsque l'ignorance commence à prendre le dessus sur les gens et que les pensées déviées commencent à se propager et prendre le dessus yani, sur la méthodologie des gens de la sunna au sujet de ces questions-là. Donc il dit وَلَا رَيْبَ أَنَّ الزَّمَنَ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ الْآنَ اجْتَمَعَ فِيهِ الْأَمْرَانِ غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار المنحرفة فيه. Donc il dit que il n'y a pas de doute qu'à notre époque dans laquelle on vit, eh bien les deux choses sont réunies. Premièrement, l'ignorance a pris le dessus au sujet de la façon dont on doit agir envers les dirigeants, et les idées déviées se sont propagées également à ce sujet-là. Et donc ça, c'est ce qui vient montrer l'importance et l'obligation de justement clarifier ces questions-là. Le cheikh il dit فَوَاجِبُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَطَلَبَتِهِ الْإِلْتِزَامُ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَلْيُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ هَذَا الْأَصْلِ مُحْتَسِبِينَ لِلَّهِ تَعَالَى مُخْلِصِينَ لَهُ أَعْمَالَهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ أَعْمَالَهُمْ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ بَيَانِهِ تِلْكَ الشُّبُهَاتِ الْمُتَهَافِتَةِ الَّتِي يُرَوِّجُهَا بَعْضُ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ مَنْ الْمُسْتَفِيدُ مِنْ بَيَانِ هَذَا الْأَمْرِ يُشِيرُ إِلَى أن المستفيد منه هم الولاة فقط وهذا جهل مفرط وضلال مبين إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا. Donc le cheikh il dit, il est obligatoire donc pour les hommes de science ainsi que les élèves qui cherchent la science de rester accrochés à l'engagement qu'ils ont pris d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait prendre dans sa parole, dans le Coran, dans surat Al-Imran, le verset 187, où Allah subhanahu wa ta'ala a pris cet engagement-là avec les hommes de science et avec les prophètes avant eux, hein, qu'ils allaient clarifier la vérité pour les hommes et qu'ils n'allaient pas la cacher. Donc de ne pas faire de clarifier la vérité aux hommes et de ne pas la cacher. Donc ils doivent clarifier pour les hommes ce fondement de la religion qui est la façon dont on doit agir envers les dirigeants selon l'islam, et chercher en cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et faire preuve de sincérité et de pureté dans l'intention envers Allah dans leurs actions. Et ils ne doivent pas laisser certaines shubuhat qui sont propagées de la part de certains qui n'ont aucune part de bien en eux, les empêcher de clarifier cette vérité-là, comme certains d'entre eux qui disent qui profite de cette clarification-là excepté. Donc ils veulent dire en fait qui profite de ça, c'est-à-dire qui profite du fait qu'on clarifie l'obligation d'obéir et d'écouter aux dirigeants, d'obéir aux dirigeants et d'écouter dans le bien, excepté les dirigeants. C'est ça ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire que c'est seulement les dirigeants, selon eux, qui vont profiter de ça. Donc pourquoi vous parlez de ça? Vous voulez faire plaisir aux dirigeants, vous voulez servir les dirigeants, vous, yani, il y en a même parfois qui vont accuser les salafis d'être à la solde des dirigeants. Pourquoi? Parce qu'on appelle les musulmans à écouter et à obéir les dirigeants. Donc ils s'imaginent qu'on reçoit un salaire ou qu'on reçoit un chèque, hein, de la part des dirigeants dans les différents pays musulmans. Donc ça veut dire que tous les pays musulmans là aujourd'hui là, ils nous donnent un chèque à chaque jour ou à chaque année ou à chaque hein, oui. Donc on devait être millionnaire si c'était comme ça, hein? Mashallah. Non, le cheikh il dit, ils veulent dire par cela que c'est seulement les dirigeants qui profitent. Et il dit ça c'est une ignorance. Hein, grave, un grand égarement aussi, puisque ça part de la mauvaise croyance que, ou bien plutôt, ça part du fait qu'ils ont mal compris la croyance qu'on doit avoir par rapport à cette question-là envers les dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers. C'est-à-dire que quand on appelle les gens à écouter et obéir les dirigeants, c'est pas qu'on le fait pour les dirigeants eux-mêmes. On le fait parce que c'est quelque chose qui nous a été ordonné par Allah et par le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est une obligation religieuse dans l'islam. Ça fait partie de notre aqidah, ça fait partie de notre religion. Donc, on le fait pour Allah et pour son, et on est pour obéir à ses ordres et à son messager. Et il dit, وَعَلَىٰ أَنَّ الْفَائِدَةَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الرَّاعِ وَالرَّعِيَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ بَلْ قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. Donc il dit le cheikh que même si on regarde par exemple la question de qui est-ce qui en profite réellement de cette obéissance et de ce principe de Ahl Sunnah, est-ce que ce sont la population ou ce sont les dirigeants qui en profitent le plus? Et le cheikh il dit, il n'échappe pas aux hommes de science que ce sont non seulement la population qui en profite, non seulement les dirigeants qui en profitent, mais même qu'on peut dire que la population et le peuple en profitent même plus que le dirigeant de cette obéissance-là. Et le fait qu'il y ait cette obéissance envers les dirigeants et cette écoute dans le bien, eh bien, les répercussions et les conséquences bénéfiques et positives de ça sont plus grandes pour la population et pour le peuple que pour le dirigeant lui-même. Et parce que c'est un bien général, hein, et c'est là que la société va être ordonnée, et va être en paix, et va être stable, et va être forte, hein, et unie, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit ensuite, وَمِنَ الشُّبَحِ أَيْضًا قَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمُوضُعِ لَيْسَ هَذَا وَقْتُهُ لَيْسَ هَذَا وَقْتَهُ. Donc le cheikh il dit que parmi les choubouhats de certains, par rapport à cette question-là, ils disent c'est pas le temps de parler de ça maintenant. C'est pas le temps de parler de ça maintenant. Donc le cheikh il dit Subhanallah, mata waqtuhu idhan. Il dit Subhanallah, si ça c'est pas le temps maintenant, c'est quand est-ce que ça va être le temps d'en parler? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il dit A idha tarat ar-ru'us wa sufikat ad-dima. Donc le cheikh il dit, si c'est pas le temps maintenant d'en parler, quand est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est lorsque les têtes commencent à voler, hein? Est-ce que c'est quand le sang commence à couler? Est-ce que c'est quand le désordre et le chaos total est propagé et qu'on a enlevé complètement la sécurité dans la société? C'est là qu'on commence à parler de ça? Non, le cheikh dit إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكثف في من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام خاصة لما حصل لفئة من الناس من تلوث فكري في هذا الباب قاد زمامه شراذم من أصحاب الاتجاهات الدخيلة فأفسدوا أيما إفساد وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة والحجج الكاسدة. Donc il dit le cheikh que la parole à propos de ce sujet, c'est-à-dire de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants dans le bien, selon la compréhension et la voie des salafs, c'est quelque chose qui est obligatoire maintenant pour les ulama et les étudiants en sciences islamiques dans ces jours-ci en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe d'individus qui ont des pensées corrompues et polluées dans cette question et dans ce domaine, et que ces idéologies corrompues ont été propagées parmi certaines personnes qui ont des tendances qui viennent, qui sont, disons, étrangères et qui sont infiltrées parmi les musulmans et qui ont corrompu d'une grande corruption et fait beaucoup de désordre et essayé de déranger la aqidah des gens de la sunna et de la jama'a dans ce domaine-là, qui est un domaine très dangereux. Et ils ont lancé à ce sujet-là toutes sortes de fausses shubuhat et des ambiguïtés et des arguments fausses pour corrompre les gens. Donc le cheikh il dit وَلَا تَغْتَرْ بِمَنْ يُنْكِرْ وُجُودَ هَؤُلَا وَيَقُولْ إِنَّ مَوْضُوعَ الْبَيْعَ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَ لَمْ يُشَكِّكْ فِيهِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ أَحَدُ رَجُلَيْنِ إِمَّا مُتَسَتِّرٌ عَلَيْهِمْ مُتَسَتِّرٌ عليهم ويخشى من تصنيفهم بما هم عليه أو جاهل لا يدري من الناس فيه. Donc il dit que ne te laisse pas tromper par ceux qui vont dire que ces gens-là n'existent pas. C'est-à-dire que cette tendance-là chez un groupe-là, que ces gens-là, ils n'existent pas vraiment. Et le cheikh, il fait allusion probablement à la société de l'Arabie Saoudite, qu'il y a un groupe parmi eux qui essaie d'appeler à ces idées-là. De se révolter contre les dirigeants et de ne pas reconnaître son obéissance et son autorité. Mais même si dans les autres pays on sait que ces choses-là existent, mais il y a des hezbollahs en Arabie Saoudite qui eux jouent à l'innocent, tu vois. Ils veulent faire semblant que non, il n'y a pas ça chez nous, il n'y a personne qui pense comme ça, ces idées-là ça n'existe pas, il n'y a pas de groupe comme ça chez nous. Il n'y a personne qui a mis en doute l'écoute et l'obéissance et le serment d'allégeance. Alors il dit le chef, celui qui dit ça ou qui agit comme ça, c'est une des deux personnes suivantes. Soit que c'est quelqu'un qui essaie de les couvrir parce qu'il ne veut pas qu'on les catégorise ou qu'on dise à leur sujet qu'ils font partie de ce groupe-là, parce qu'il sait, il sait sur quoi ils sont, ou que c'est quelqu'un qui est ignorant et qui ne connaît pas la réalité des gens. Donc il dit le cheikh, فَلْيَتَّقِ اللَّهِ هَؤُلَاءَ الْمُرْجِفُونَ وَلْيَنْتَهُوا عَنْ صَدِّ النَّاسِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى خِدْمَةً لِأَحْزَابِهِمْ أو ترويجا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية أو اتباعا لأهوائهم بغير هدى من الله. Donc il dit que ces gens-là craignent Allah, c'est murjifun. Al-murjifun, c'est qui? C'est les gens qui essaient de faire peur à ceux qui veulent obéir à Allah ou qui veulent appeler à l'obéissance d'Allah ou établir l'obéissance d'Allah et appeler à établir la sunnah. Comme on appelle aussi les mukhazzila, ceux qui veulent décourager les gens qui appellent à la sunna et qui défendent la vérité, lorsqu'ils se tiennent en face des gens de bid'a pour les réfuter, ils les découragent ou bien ils les abandonnent et ils disent non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas parler, il ne faut pas mettre en garde contre les gens de bid'a parce qu'on va avoir des problèmes, parce que si, parce que ça. Ou bien Al-Murjifoun, c'est la même chose. Al-Murjifoun, ils essaient de faire peur aux gens quand on veut mettre en garde contre la bid'a et contre les gens de bid'a. Ils veulent te décourager de faire ça et ils veulent te faire peur. Donc, ils veulent faire en sorte qu'on cesse de faire la da'wa et de clarifier aux gens la vérité au sujet de la sunna. Et donc le cheikh il dit qu'ils cessent de bloquer et d'obstruer le chemin d'Allah, ces gens-là, et qu'ils cessent de servir et d'agir dans l'intérêt de leur groupe et de leur parti, et ou bien dans le but de propager leur méthodologie ou leur voie, qui sont corrompus avec ce genre de fausses arguments et d'ambiguïtés pour essayer de tromper les gens et de les mélanger dans leurs connaissances et dans leurs pratiques et dans leur compréhension, en suivant les passions sans aucune guidance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « وَعَلَى مَنْ أَرَادَ لِنَفْسِهِ النَّجَاةَ وَالْفَلَاحِ أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب فيعمل بها ويذعن لها ولا يجعل للهوى عليه سلطانا فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر. Donc il dit, donc celui qui veut pour lui-même le salut et le succès, qu'il médite sur les textes de la charia qui sont rapportés à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants, même lorsqu'ils sont injustes, tant qu'on les écoute et qu'on leur obéit dans le bien, et qu'ils agissent selon ces hadiths et selon ces textes, et qu'ils s'y soumettent, et qu'ils ne laissent pas d'autorité ou de place à leur passion, hein, pour agir en contradiction avec ces textes, parce que le serviteur, il ne va pas atteindre la réalité de la foi jusqu'à ce que ses désirs soient en accord avec ce que la législation et la révélation divine a ramené. Donc toi, tu ne seras pas un vrai croyant tant que ton désir et ta passion soient en accord avec ce que Allah a révélé. Il dit « Wa aktharu fasad an-nas fi hadha al-bab innama huwa min jarra'i ittiba'i al-hawa wa taqdim al-'aqli 'ala an-naqli. Fa bayna yadayka ayyuha at-talib lil-haqq nusus shar'iyyah wa nuqul salafiyyah فأرع لها سمعك وأمعن فيها بصرك جعل الله التوفيق حليفك والتسديد رفيقك وجنبني وإياك مضلات الأهواء والفتن. Donc il dit, la plupart des corruptions qui sont apparues chez les gens à propos de ce sujet et de cette question qui a rapport avec les dirigeants et la façon dont on doit agir envers eux selon le Coran et la Sunna, ces corruptions-là sont rentrées chez eux à cause du fait d'avoir suivi la passion et d'avoir mis leur logique devant les textes de la révélation. Et donc, on te présente, ô toi qui recherches la vérité dans ce livre, des textes de la charia et des citations des salafs, hein, de nos prédécesseurs, alors prête-leur ton écoute et observe et utilise tes yeux pour voir clairement qu'est-ce qui est écrit dans ce livre, et que Allah te donne le tawfiq et qu'il fasse que le succès soit ton allié et que la droiture soit ton compagnon, et qu'il t'écarte et qu'il m'écarte ainsi que toi-même de toutes les passions et les tribulations, les tentations qui peuvent être la cause de l'égarement de quelqu'un. Naam. Donc, ça c'était l'introduction. Donc, on peut s'arrêter même ici si vous voulez.